tranquille qu'ont toutes les vieilles gens. Elle restait immobile, sans rien dire, et pourtant, lorsque je l'ai ouverte, elle m'a tout raconté. J'ai fait la découverte des histoires du passé. Dans l'armoire de grand-mère, il y avait un souvenir sous un peu de poussière qui ne voulait pas mourir. Dans l'armoire de grand-mère, il y avait un amour de ma guerre près d'une fleur séchée. On ne peut pas se moquer d'un amour si lointain, de vieilles lettres liées, d'un ruban de satin. Car je sais maintenant qu'on oublie trop souvent que même nos grands-parents ont eu un jour 20 ans. Dans l'armoire de grand-mère, il y avait un souvenir sous un peu de poussière. Un peu de poussière.